Oui, mes chers petits auditeurs de mes deux, ce soir, c'est la deuxième, non, que dis-je, la troisième et dernière partie du spécial 1998. En plus des présentations de deux albums nouveaux, considérant qu'ils sont tous du paru le 26 février, mais que j'ai été absent pendant deux semaines. Bref, pour deux semaines, n'en ferons pas de cas et allons considérer que ce sont tous deux des nouveautés, qui sont respectivement Entomb AD et Destroyer 666. J'aurai aussi en entrevue, exclusivement, King Diamond, Trey Azak, Todd, Tony Iommi, Mickey D, Pat O'Brien, Thomas Gabriel Fisher, Batman, Ultraman, Bugs Bunny, Bobino et Symphorien. Oui, d'accord, Horace, je te prendrai en entrevue toi aussi. Et est-ce que c'est vrai, toutes ces entrevues annoncées? Qui sait? Il est possible qu'ils se présentent tous dans ma morgue en même temps. J'en doute. Mais, le cas échéant, je vais certainement être très surpris, surtout en ce qui concerne Symphorien. De toute façon, on s'en fout parce que ce que vous voulez, c'est du métal et vous allez en avoir. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin menteur comme un arracheur de dents. Surtout qu'en plus, j'en arrache des dents, mais juste par plaisir. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. We'll be right back. Don't try to escape. Don't cry out for help. Do you understand? 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6. We'll be right back.

Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait, Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Eh bien non, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 15 mars de l'an de disgrâce 2016. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Les entrevues que j'ai annoncées tout à l'heure, eh bien c'est plus tard dans l'émission. C'est-à-dire que je vois déjà qu'à la porte King Diamond est arrivée, donc ça va être un peu plus tard parce que faut quand même que je priorise mon programme initial. On vient d'entendre en ouverture d'émission ce bloc constitué de majoritairement de groupes thrash metal. En fait, il y avait deux intrus, soit Sodom, qui est une formation allemande, et Pantera, qui est une formation qui donnait plus dans le groove. Mais juste avant la pause, c'était Exodus et la pièce Funeral Hymn, qu'on retrouve sur l'album The Atrocity Exhibition, Exhibit A, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Avec, je dis défunt, c'est pas vrai parce qu'il n'est pas décédé, mais défunt envers le groupe Exodus, Rob Dukes, qui était un excellent chanteur et un très bon showman aussi, je dois dire. Nous avions effectivement avant Sodom et la pièce Storm Raging Up, qui est tirée de In War In Pieces, paru en 2010 sur Steam Hammer. Testament et la pièce Demonic Refusal, qui ouvre l'album Demonic de 97 sous étiquette Music for a Nation. Et nous avons effectivement ouvert avec Pantera et la pièce Mouth for War, qui est tirée du sixième album Vulgar Display of Power, qui est paru en 92. Formation défunte depuis 2003. On comprendra évidemment que l'assassinat de Dimebag Darrell a contribué beaucoup à ce que la formation mette un terme à ses activités. En parlant de Phil Anselmo, je ne sais pas vraiment si Phil a décidé de se retirer de Down en tant que tel, puisqu'il avait fait certaines salutations qui évoquaient le salut nazi lors de spectacles. Ça avait été très contesté, ça avait été critiqué, et il avait même dit aux membres de Down, vous devriez peut-être penser à vous trouver un autre chanteur. Je ne sais pas si c'est le cas. Moi, personnellement, que ce soit principalement au niveau de l'enregistrement studio, je ne le souhaite pas, parce que je trouve qu'il fait un très bon travail avec Down. Sa voix va très bien avec le style de Down. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie de ce spécial 1998. Il y a aussi la présentation de deux albums qui sont respectivement Entombed AD et leur deuxième, sous ce nom bien sûr, Dead Down, et aussi la formation australienne Destroyer 666 et leur nouvel album Wildfire qui est paru la même journée qu'Entombed, soit le 26 février dernier, bon, comme je le disais en présentation d'émission. Si vous êtes du style jetable, ce ne sont plus des nouveautés, bien sûr, parce qu'elles ont plus qu'une journée. Mais en ce qui me concerne, ce sont toujours de nouveaux albums. On va en parler un peu plus tard, de façon un peu plus en détail. Petite, mais importante chronique cinéma. Et aussi tout aussi importante chronique musique. À y avoir au courant de cette édition de réanimation. Mais tout de suite, débutons ce spécial 1998. Je dis débutons pour ce soir, parce que dans le fond, c'est la troisième et dernière partie, que dis-je. Et elle est constituée, cette dernière partie, de deux blocs. de 4 pièces chacune. Donc, nous allons débuter avec le... Ben, en fait, nous allons débuter à l'instant avec une pièce tirée d'un album qui est paru le 30 avril 98. Nous allons conclure ce premier bloc avec une formation qui aura sorti son sixième album le 9 juin 98. Donc, nous allons entendre Suffocation, formation américaine, Samael, formation suisse, Slayer, une autre formation américaine qui n'est plus à présenter, et Merciful Fate, formation danoise. Donc, tout de suite, ce premier des derniers blocs de 1998. Bon, c'est pas mal n'importe quoi, hein, ça. Oui, tu peux bien rigoler, toi. Ouais, je sais. Avec Suffocation, la pièce titre de ce EP paru le 30 avril, soit The Spice The Sun. Vous êtes à réanimation jusqu'à 21h. Go! We'll be right back. a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. Fire! Survival Command Center at the Pentagon has disclosed that a ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou, 89.9. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 18 mars, 21h30, votre café-bar Le Zénob accueille en ses murs les formations MJs ainsi que Sonom Arte. Pour une soirée musicale aux accents pop, soul et reggae, soyez avec nous au Zénob pour le spectacle de MJs et Sonom Arte ce vendredi 18 mars, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des b-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.9. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89F. 89.1, j'avais oublié .1, désolé. Juste pour vous dire que oui, tout à l'heure, King Diamond est arrivé à la porte du studio, mais il trouvait ça un petit peu long, fait qu'il est allé s'acheter des frites. Il devrait revenir tout à l'heure, mais entre-temps, Pat O'Brien est arrivé et Bugs Bunny. Donc, ils sont assis dans le corridor et ils attendent. Attendez, les boys. On vient d'entendre à l'instant ce premier bloc de cette dernière partie de ce spécial 1998. On vient d'entendre Merciful Fate, l'excellente formation Merciful Fate, formation danoise qui en était à leur sixième album, soit Dead Again. Et la pièce Mandrake, mais ici bien sûr Mandrake, on ne fait pas référence au personnage de bande dessinée qui a vu le jour en 1934, mais bien à la mandragore, cette racine qui aurait des vertus et des vertus qui sont supposément entre guillemets magiques. Dead Again est paru le 9 juin 1998 sur Metal Blade. Nous avions juste avant, c'est besoin de les présenter, Slayer, formation américaine bien entendu. Et la pièce Death's Head, qui est tirée de Diabolus in Musica, qui était leur huitième album, paru le 9 juin également sur American. Diabolus in Musica, c'est pas nécessairement le meilleur album de Slayer, mais il y a quelques bonnes pièces, dont Death's Head, que je trouve très bonne. Nous avions un range musical totalement différent en Les Suisses de Samael, avec la pièce titre de ce EP, soit Exodus, qui était la sixième parution, mais le deuxième EP ou mini-album, si vous préférez, qui était paru le 2 juin 98, bien entendu, sur Century Media. Formation qui donne... qui a débuté sa carrière avec un métal plus près du black qu'autre chose et qui aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'électro-métal proprement dit. Et nous avons ouvert avec une autre formation américaine en Suffocation et la pièce titre de ce deuxième EP, aussi également Despise the Sun, qui est paru le 30 avril 1998. C'était la cinquième parution studio de Suffocation, formation qui existe toujours, bien entendu. Je vous parle cinéma avant de poursuivre avec la première présentation de la soirée, parce que c'est relativement court ce que j'ai à faire ce soir, parce que honnêtement, je n'ai pas écouté rien d'autre depuis la semaine dernière, ou à peu près pas, que le blitz que moi et ma conjointe nous sommes faites de House of Cards, dernière saison de House of Cards, qui met en vedette bien sûr l'excellent Kevin Spacey et Robin Wright, et je suis persuadé, je crois pas m'avancer outre mesure en disant qu'il s'agit pour eux du rôle de leur carrière par excellence, qui est bien sûr House of Cards, c'est l'histoire de Frances Underwood et de sa femme Claire, qui feront tout, et je dis bien tout, en leur pouvoir pour atteindre le pouvoir ultime, c'est-à-dire la présidence des États-Unis. Ben, je dis lui, sa femme, bien entendu, qui ne pourra pas être présidente en même temps que lui, mais qui cherche à atteindre des sphères qui sont très près de lui, bien entendu. Une quatrième saison, comme je le disais la semaine dernière, je crois en avoir brièvement parlé, j'avais à l'époque que deux épisodes écoutés, qui m'avaient laissé quelques points d'interrogation à savoir si ça me venait me chercher aussi rapidement que les précédentes. Eh bien, la troisième épisode s'était conclu entre House of Cards et moi. J'étais complètement accro, c'est vraiment une excellente série. C'est épouvantable, hein. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est vraiment pas une série à l'eau de rose, loin de là. C'est vraiment une série qui est très tordue, qui est très malsaine, qui comporte des personnages qui sont tout aussi tordus et qui n'ont qu'un seul point commun, avoir le pouvoir de l'autre, qui est évidemment toujours un petit peu au-dessus de ce qu'ils ont, sur le moment. Bref, c'est vraiment excellent, House of Cards. Les acteurs sont vraiment géniaux. Très convaincant, et à la fois très enrageant par moments aussi, je dois le dire. Ce qui prouve que leur rôle est excessivement bien interprété, bien entendu. C'est une série de Netflix, et moi, personnellement, je la recommande à tous ceux qui ont envie de voir autre chose que ce qui se tire dessus et qui a des explosions. Il y a quelques coups de feu, mais ce n'est pas là que l'accent est mis, bien entendu. C'est vraiment une guerre psychologique de pouvoir, et c'est un jeu de personnages avant tout. Donc, je vous le recommande très, je dirais, sans aucune retenue. Ce qui met fin à cette chronique cinéma pour ce 15 mars 2016. La semaine prochaine, je vous parlerai de la troisième saison de Black Sails, qui j'ai débuté à peine hier, et qui semble vouloir être aussi très prometteuse. Je vous parle de la première présentation de la soirée, qui est une formation suédoise de Stockholm, qui est une jeune, oui, tout aussi, surprenant que cela puisse paraître, c'est une jeune formation depuis 2014, c'est Entombed AD. Je dis jeune, bien entendu, parce qu'il s'agit des membres de Entombed, qui se sont, la majorité des membres de Entombed, bien entendu, sous la commande de LJ Petrov, qui se sont un peu, rebellés contre le guitariste leader de Entombed en tant que tel. Ils ont dit, écoute, t'es pas prêt à faire ce qu'on veut faire, on veut le faire comme ça, on veut le faire présentement, on veut le faire now, tu veux pas, donc on s'est dissocié de toi. Et maintenant, il s'appelle Entombed AD, bien sûr, pour After Death. C'est leur deuxième album studio, en 2 ans. Le premier avait été Back to the Front de 2014. Aujourd'hui, je vous parle de Dead Down, qui est paru le 26 février dernier sous étiquette Century Media. On parle de 10 pièces sur cet album Dead Down, qui totalise un minutage de 40 minutes et 45 secondes. C'est un bon album. Oui, c'est un bon album. Ce qu'il faut savoir avec Entombed ou Entombed AD, c'est que, indéniablement, il s'agit d'un groupe, entre guillemets, qui demeurera toujours underdog. Ce n'est pas un grand major dans le monde du métal. Il donne dans un death and roll depuis bon nombre d'années. Ils étaient beaucoup plus death metal auparavant. Maintenant, ils sont death and roll. C'est une formation qui, oui, le nom est très connu, mais qui en même temps ne fait pas des choses qui sont grandioses, ne sont pas nécessairement des sentiers très battus. C'est une formation qui œuvre dans des paramètres assez bien définis et qui semble les respecter jusqu'à présent, du moins depuis bon nombre d'années. C'est loin de m'avoir laissé indifférent, c'est intéressant. La qualité d'enregistrement est peut-être un petit peu sourde à mon goût. Je suis un peu pointilleux là-dessus, je dois dire. Mais quoi qu'il en soit, je vous propose 2 pièces tirées de cet album Dead Down, soit la pièce titre Dead Down, et nous poursuivrons avec la pièce The Winner Has Lost. Je veux dire, animation, Leon Dead Incorporated Show jusqu'à 21h. Go! The brain, and you kill the ghoul. Effectivement, kill the brain, and you will kill the ghoul. Mais faut pas faire ça, c'est mes amis. On vient d'entendre Entomb Heidi, deux extraits de leur dernière parution et deuxième album studio complet, soit Dead Down, qui est paru le 26 février dernier sur Century Media. On vient d'entendre l'excellente pièce The Winner Has Lost et en ouverture Dead Down, la pièce titre. Personnellement, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai bien aimé, cet album. Je trouve que ça s'écoute très bien. J'ai toujours été un amateur de Entomb et plus particulièrement depuis leur leur tournant plus death and roll. Ça m'a toujours plu, j'aime bien le vocal de LJ Petrov, Lars Goran Petrov de son vrai nom. Je trouve que c'est une musique qui est minimaliste, qui est simpliste, oui, mais qui fait le travail comme il se doit. Et honnêtement, je n'en veux pas plus et n'en attends pas plus de Handoom. C'est juste correct comme ça. Bref, moi je le recommande cet album. Vous devriez prendre la peine de le découvrir parce qu'il y a de très bonnes pièces dessus. Mais ma bémol, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu au niveau de l'enregistrement. Je le trouve un peu étouffé. Et c'est quand même sur un major, Century Media. Je me dis, bon, la production, est-ce une question de moyens? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je me serais attendu un petit peu plus au niveau de la qualité de la restitution audio. Mais bon, ça, c'est subjectif, c'est un goût personnel. Peu importe. Nous allons poursuivre avec ce quatrième bloc de la soirée, qui est aussi le dernier de ce spécial 1998, dans lequel on va entendre, entre autres, ben pas entre autres, mais on va tous les nommer, tiens. On va entendre la formation suédoise Opeth, Fear Factory, formation américaine bien entendu, Anthrax, une autre formation américaine, mais on va débuter le tout avec une formation canadienne qui est assez emblématique de ce qui se fait comme métal au Canada. Je parle de formation montréalaise Gorguts, une pièce tirée du troisième album Obscura, soit Nostalgia. Go! No!

the way. Prepare for salvation. I am the way. Prepare for salvation. I am the way. Prepare for salvation. Go! Vous cherchez un emploi permanent, d'été ou un stage dans votre domaine d'études? La Journée carrière 2016 est la journée qui changera peut-être votre vie. Le service d'aide à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières convie les étudiants et diplômés universitaires le mercredi 16 mars prochain de 11h à 16h au CAPS de l'UQTR pour la Journée carrière. De nombreuses entreprises de plusieurs régions du Québec seront sur place pour faire du recrutement dans divers secteurs d'activité. La Journée carrière, le mercredi 16 mars prochain, la journée qui changera peut-être votre vie. Pour de plus amples renseignements, consulte le www.uqtr.ca/jc. Tire-toi une bûche, activité 6. Le mercredi 16 mars de 11h30 à 13h, rends-toi entre les pavillons Albert-Tessier et Néré-Beauchemin de l'UQTR, présente ta carte étudiante et participe au concours Lance ta bûche dans le cadre de la Coupe des assauts. Tire sur la neige gratuite pour tous. 500$ en prix de participation à gagner. Le 16 mars prochain, tire-toi une bûche. Cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de CIFU 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes à CIFU 89.1. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. Il en reste moins qu'il en restait, qu'il y en avait plutôt. On vient d'entendre à l'instant ce bloc qui concluait ce spécial 1998 avec la formation suédoise Hopeth et l'excellente pièce April It's Real qui est tirée de l'album My Arms, Your Heels qui est paru le 18 août 1998 sur Candlelight. Nous avions auparavant la formation américaine The Fear Factory, pièce tirée de leur troisième album Obsolete, soit Smasher Devourer, qui est paru le 28 juillet, j'ai besoin de dire, 98, sous étiquette Roadrunner Records. Anthrax, c'est la très bonne pièce à Catharsis, tirée de volume 8, The Treat Is Real. C'était le huitième album de la formation américaine qui mettait en vedette le vocal du regretté en ce qui me concerne, non pas décédé lui non plus, mais bien ayant... il s'est fait montrer la porte du de la sortie du groupe. John Bush, excellent vocaliste, très bon chanteur, il était parfait avec Anthrax. Je trouve là-dessus qu'Anthrax, on fait les cons. Bref, c'est paru le 21 juillet cet album volume 8 sur Ignition Records et nous avons ouvert avec les Canadiens québécois de Gorguts et la pièce Nostalgia tirée de Obscura qui est le troisième album studio complet de cette formation paru le 23 juin 98 sur Olympique et évidemment ce n'était pas le même Gorguts que l'on connaît aujourd'hui parce que aujourd'hui il ne reste que Luc Lemay, guitariste, vocaliste et écriture des pièces de cette formation originale qui comportait à l'époque le très audacieux guitariste et regretté Steve Hurdle qui est décédé en 2012. Il y avait aussi à la basse Steve Cloutier et Patrick Robert à la batterie. Ce vendredi, dès 11h, sur les ondes de 89.1 FM, c'est fou. Ne manquez pas Rock Classique, parce que cette semaine, Rockmaster et moi, nous vous présenterons ce qui est, depuis très longtemps, une tradition, le fameux 3 pour 1. 3 pour 1 qui s'adresse, bien entendu, au rock, mais aussi au métal. Et dans cette édition de Rock Classique, le Rockmaster et moi ferons un hommage à ce grand musicien qui est disparu le week-end dernier. Je parle de Keith Emerson, qui, entre autres, aura fait ses beaux jours avec Emerson, Lake & Palmer. Il est décédé à l'âge de 71 ans. Et moi, c'est un musicien que j'ai apprécié depuis longtemps en tant que claviériste, mais aussi un musicien très audacieux au niveau de la technique et de la technologie aussi, faut bien le dire. Mais bien entendu, il y aura les segments qui sont habituels. Le Rockmaster vous parlera d'un album vinyle classique qui est paru il y a exactement 40 ans, ce mois-ci, Presence de Led Zeppelin. Et dans la chronique des groupes obscurs, il vous parlera d'une formation belge absolument inconnue, je suis certain que c'est le cas, des années 70, du nom de Irish Coffee. En plus des habituels segments et chroniques, soit les amateurs de la faune, et les amateurs de la faune, les amateurs de rock et la faune, que dis-je? La capsule, ça passe ou ça casse, bien sûr, les éphémérides et les actualités, soit les nouvelles du rock. Une émission à ne pas manquer pour les vrais amateurs de vrai rock, ce vendredi, dès 11h jusqu'à 17h. Aussi, dans les autres choses qui pourraient certainement vous intéresser, ben, vous êtes amateur de métal, je présume, puisque vous écoutez Réanimation. Ben, il y a une autre excellente émission qui se fait aussi, celle de mon ami Tower DJ of Death, Subversion, sur les ondes de Underground Québec. C'est le vendredi, dès 18h30, si je ne m'abuse, ou 18h, c'est à vérifier. Et aussi, si ça vous intéresse d'aller les chroniques de mon ancien assistant cabotin de ce sinistro, ce pestilentiel gobelin, ben, je vous invite à aller faire un tour sur hurlemort.com. Le sinistro se traite d'un paquet de choses qui sont vraiment pas intéressantes, mais c'est tellement drôle à rire. Non, non, c'est une blague. C'est pas drôle du tout, pis c'est pas intéressant. Nous allons poursuivre cette deuxième présentation de la soirée avec un album et une formation qui m'a vraiment renversé. Je connaissais le band depuis un bon nombre d'années, mais avec ce nouvel album qui porte le titre de Wildfire, qui est paru le 26 février dernier, sous étiquette Season of Mist. La formation australienne Destroyer 666 m'a littéralement renversé. Et jusqu'à présent, je dois dire que, et je l'avoue tout à fait candidement, que cet album Wildfire, nous ne sommes qu'en mars, j'en conviens, mais jusqu'à date, c'est mon meilleur album metal de 2016. Formation qui évolue depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, qui donne dans un black trash metal. Généralement parlant, les albums précédents de Destroyer 666, c'est-à-dire les quatre précédents, sont très intéressants, mais sont beaucoup moins raffinés que Wildfire. Ici, on a apporté une dose de mélodie qui est subtile, mais à la fois très efficace, et immédiatement et irrémédiablement, les riffs de guitare me font penser souvent à ce que Satan font. Et je dois dire honnêtement que j'apprécie énormément. Je n'ai pas arrêté de l'écouter de la fin de semaine. Je trouve vraiment excellent cet album Wildfire. Je vous propose trois pièces parce que c'est une question de temps, parce que sinon je l'aurais fait jouer en entier. Mais je vais revenir la semaine prochaine certainement sur quelques regards sur cet album de Destroyer 666. Je vous propose trois pièces qui sont respectivement la première, Treadore. On va y aller tout de suite avec la deuxième pièce en chronologie sur l'album, soit Live and Burn, et je vous présente la pièce titre Wildfire. This is Destroyer 666 and this is the best in metal at this day. Go. Destroyer 666, c'est trois pièces tirées du dernier album Wildfire, paru le 26 février dernier sur Season of Mist. À l'instant, la pièce titre Wildfire, c'était précédé de Live and Burn, et nous avons ouvert avec la pièce d'ouverture de l'album Treader. C'est vraiment excellent, excellent. Notez qu'il ne reste que Kiki Wallslot de la formation originale de 1994. Je vous laisse dans quelques secondes parce que les gens de Matière Noire, Sam et Alex seront là pour vous entretenir de choses qui sont probablement plus ou moins intéressantes comme à l'habitude, on s'en doute, mais quand même fort rigolote. En tout cas, moi, je rigole bien de le voir assis en face de moi. Là. Ah, quel joyeux luron il fait. On se retrouve la semaine prochaine et je vous ai induit en erreur. J'ai raconté n'importe quoi. Je sais que je le fais assez régulièrement, mais cette fois-ci, c'est de façon fort involontaire. Ce n'était pas la dernière partie du spécial 98. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous présente cette troisième et dernière partie du spécial 1998, ainsi qu'une incursion dans le nouvel album de Sarké qui porte le nom de Bodge Fodd. Donc, je vous laisse avec Matière Noire et d'ici là, eh bien, bien évidemment, n'oubliez pas ce bon conseil qui est fort important pour votre santé mentale, aisée ou aussi physique. Allez tous vous faire foutre. Ciao!